de l'alcool également. On peut aller voter. Ça fait un an qu'on a 18 ans. On peut entrer sur les sites qui nous montrent si on a 18 ans et plus. On est né en même temps que la barberie. Mais quand on a 19 ans, on peut être une entreprise en pleine croissance. On peut être un acteur important de l'économie sociale de Québec. Quand on a 19 ans, on peut déjà faire partie de l'histoire. Et on peut rêver aux belles années qui s'en viennent. Quand on a 19 ans, on a hâte à l'année prochaine. La Barberie, 19 ans, bientôt 20. Bonsoir les amateurs de musique, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec. C'est l'émission Terrain Incognita jusqu'à minuit ce soir. Donc vous êtes en compagnie de Bruno à la mise en onde et c'est un choix musical de Bruno et à l'animation France et Jean-François. Bonsoir France. Bonsoir. Et un gros bonjour à Bruno. Un gros bonsoir, face à noir pour ça. Oui. Eh bien, c'est comme je disais, c'est une émission préparée par Bruno. Et on va faire le tour des bonnes musiques progressives. Et on a appris une terrible nouvelle cette semaine. C'est une disparition que tu m'as appris parce que tu as vu sur Facebook. Bert Fish qui officiellement disparaît. Ben oui. au moins on a le chanteur. Oui, Rickard Soblum. Son disque est très bon. Oui, donc c'est une demi-surprise étant donné que Rickard est occupé, entre autres, avec Big Big Train comme membre permanent. Et moi, je trouve ça extrêmement de valeur parce que c'est un groupe que j'appréciais beaucoup. Et ben la semaine prochaine, je pense qu'on va écouter une pièce, au moins une pièce de Beard Fish. On va se faire plaisir un petit peu en pleurant un petit peu, en léchant nos plaies. Mais on peut se consoler. On les a vus au festival. On les a vus. Un spectacle vraiment extraordinaire où ils ont interprété leur meilleure pièce. C'est Sleeping in Traffic Part 2, en fait, la pièce titre là, qui ont joué en rappel. En réalité, moi, j'aurais jamais pensé qu'ils pouvaient faire cette pièce-là au complet. Et je pense qu'on a été gâtés. Un spectacle s'est terminé à minuit et demi, pile. On va poursuivre sur de la musique qu'on a vue aussi en concert, c'est-à-dire le groupe Palace. Qu'on a vu dans un des Nerfest. Et dans ce bloc-là, il y aura aussi Anglagar, qu'on a vu même à deux reprises. Et Tretio Arega Cricket. Vends-toi pas trop! Hein? Ouais. Et Tretio Arega Cricket, qu'on a écouté récemment parce qu'ils ont sorti un disque dans les derniers mois, je pense que c'est au mois de mars. Ouais. C'est tout récent. Mais là, on va en entendre d'un album un petit peu plus vieux qui s'appelle Eldon Avar, que j'aime beaucoup, qui date plus du début des années 2000. Donc, on y va avec Palace de leur album 25, on va entendre Falling Down, et on poursuit avec Andlagar et Tretio Arega Cricket. Hello and welcome. Good morning, rockers. This is Jerry Ewing, and you are listening to Total Rock, your favorite rock radio station. The sun is shining, the temperature is heading for the high 80s. Please listen carefully. It's a scary day out there in a big, bad world today. But let's forget about that. Let's listen to some music. Go. A classic, at the same time, progressive. We'll flying. The dark dictators parade their might. Listen to your heart to know what's right. Our world is falling down, spinning around, falling down. Out of control, we're falling down, spinning around, falling plats för gamla brott. Och musiken låter som någonting som vi begått. Hur har tiden varit? Är det sant att år har farit? Medan höstregnen gråter och vi håller vårt hopp torrt. Vi har hunnit längre än jag en gång trodde på, men mitt rum blir trängre av all tid som jämt ska gå. Finns det ännu dagar då du jagar någon som jagar någonting bortom refrängen? Kanske möts vi åter då. Plats för gamla brott, där musiken åter gör en lång historia Riga Cricket, un très bon groupe qui nous rappelle des souvenirs excellents d'une belle prestation au Festival Terrain Incognita. Juste avant, c'était en de la gare et on avait débuté avec Palace. Et on vous rappelle que sur le site www.terraincognita.québec, vous avez, c'est le site de Terrain Incognita, vous avez toute la liste des pièces qui jouent ce soir. Je vous invite à aller faire un tour. Et aussi sur la page Facebook où Michel simple, mais toujours beaucoup d'informations. Vous pouvez aussi nous rejoindre en ondes au 640-1586. Et on poursuit en musique avec Taproban, un bon groupe italien, et leur album Strigma. Et ensuite, c'est en fait, il y a juste deux pièces dans ce bloc-là. Ce sera Ben Craven, donc c'est deux pièces assez longues. Et bien, on poursuit tout de suite en musique.

She had her mother's features. Life had so much to teach her. I could not. Thank you. chose himself. Only one. just a sign, just a tie. Anecdote, un extrait de l'album A Time of Day, et c'était précédé de Glasshammer, Ego, Higher Earth et District 97. Donc c'est presque tout pour nous, il reste juste une pièce, c'est Necro Monkey qui comprend le batteur dans De la gare. Et après cette pièce, restez à l'écoute pour l'émission L'autoroute avec Stéphane Villeneuve. Et c'était une émission réalisée par Bruno Côté avec France Carrier. Bonsoir France. Bonsoir Bruno, bonsoir Jean-François. Et se dit à la semaine prochaine. Ben oui, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.